Vous êtes où? On est à La Baleine, qui a un atelier partagé à Quimper. D'accord, vous êtes à Quimper, ok. Merde, 52 heures. Là, on est à Grenoble, nous. Et vous vous appelez comment? Moi, c'est Émilie. Et moi, d'accord. C'est Horty. Ok, et moi, c'est Anne-Laure. Un entretien avec Anne-Laure et Anne-Julie de la compagnie Les Harmoniques du Néo à propos de leur rencontre avec des réseaux d'entendeurs de voix et des créations qui en ont découlé. Enregistré entre Quimper et Grenoble le 27 mars 2023. L'entretien est ponctué d'extraits des pièces sonores Le bord de la bande et Écoutez l'ombre par les Harmoniques du Néon. Alors, c'est-à-dire qui je suis. Donc, je m'appelle Anne-Laure. Je vis à Grenoble et mon travail artistique se situe autour de la voix. J'ai toujours du mal à trouver sous quelle étiquette définir, mais on va dire vocaliste, c'est-à-dire je fais du bruit avec ma voix et je parle en m'amusant à étirer le langage pour entendre le son et la musique contenus dans le langage. Et moi, c'est donc Anne-Julie Rollet. Et je fais de la musique électroacoustique, donc ça regroupe pas mal de choses, mais en gros, ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec le sonore, quel qu'il soit. Et je pratique particulièrement le magnétophone à bande pour jouer, et aussi, par moment, je réalise des pièces radiophoniques ou électroacoustiques, donc des pièces de support. Toutes les deux ensemble avec Anne-Julie, on a une compagnie qui s'appelle les Harmoniques du Néon, qui est un peu la maison dans laquelle on fait des spectacles, des installations, on fait plein de projets artistiques autour du son. Et on travaille avec Amandine Banal et Capucine Jossou dans cette compagnie. Et du coup, si vous voulez présenter aussi le projet du bord de la bande et peut-être aussi le lien avec Écouter l'ombre. Enfin, peut-être les deux ouais. Projets, j'ai l'impression qu'ils sont liés. Donc Oui. En fait, c'est un projet qui a démarré suite à une commande du GRAM à Lyon, qui est un CNCM, dont la thématique était État limite. Et il se trouve qu'il y a eu cette commande. Et par ailleurs, il y a eu une rencontre avec un psychiatre de Marseille. Thomas Bosetti. À ce moment-là, il était facilitateur d'un groupe à Marseille, le groupe des entendeurs de voix. Au départ, c'est juste une accroche, on va dire, sonore. Le groupe des entendeurs de voix, on a trouvé que c'était assez étonnant comme nom, comme appellation. Et voilà, on en a parlé avec lui. Et on a eu envie de rencontrer donc le réseau des entendeurs de voix. Il se trouve qu'on a rencontré le réseau de Lyon, puisqu'on était relié au GRAM. Et on a démarré donc d'abord une rencontre. On est parti un peu comme ça, en se disant qu'il y avait quelque chose à faire avec cette question d'entendre, d'écouter des voix et d'en parler. Oui, en tout cas, en allant rencontrer des gens à la fois au sein du... Au début, on a tâtonné, on a aussi rencontré des gens via l'hôpital psychiatrique, puis dans les groupes de parole, et avec cette envie d'en faire une pièce sonore à la fin, de faire une pièce qui raconterait un petit peu toutes ces rencontres-là. Et je sais que moi, au début, j'étais très curieuse de la matérialité de ces voix, comme un peu des gens qui feraient un voyage dans un pays où je n'y ai jamais, ou en tout cas où je n'ai pas été, et qui me racontent à quoi ça ressemble, quoi. Donc, on posait beaucoup de questions sur le sonore, vraiment. Est-ce que c'est des voix aiguës, graves? Quel timbre? Est-ce qu'elles sonnent dans un espace? Est-ce qu'elles sont proches, loin? Enfin, des trucs très concrets. Et puis en réécoutant les rushs plusieurs fois, on a fini par comprendre que les gens nous parlaient d'une relation ils parlaient essentiellement de la relation qu'ils avaient avec les voix. Donc, dans les choix de montage, c'est plutôt ça dans le bord de la bande qui est raconté. Enfin, c'est là-dessus qu'on s'est attardé. Parce que comme souvent, je trouve que, en tout cas dans les harmoniques, c'est un peu ce qui nous définit, on va dire, c'est que on aime bien s'emparer d'une situation, d'être à l'écoute d'un endroit, d'essayer de se frotter avec la situation, de voir, de se déplacer, de voir autrement, enfin d'être un peu ancré quelque part, quoi. Et par ailleurs, la question de la psychiatrie. Il se trouve que moi, particulièrement, j'ai été amenée à travailler en psychiatrie pour différentes raisons. Du coup, c'est toujours quelque chose qui est là. T'as une sensibilité à ça, quoi. Voilà, une sensibilité. Merci, c'est comme ça qu'on vous dit. Et notamment aux alternatives à la psychiatrie. Parce que dans ce groupe d'entendeurs de voix, il y a non pas cette volonté d'être contre la psychiatrie, mais il y a en tout cas une volonté de pouvoir s'emparer du domaine des experts, on va dire, de s'emparer de questionnements dont on n'a pas l'habitude d'être acteur, quoi, d'être acteur de leur propre. On va dire symptômes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, mais en tout cas de leur particularité, de leur spécificité, et de pouvoir en faire quelque chose ensemble. De ne pas laisser forcément toujours des endroits hospitaliers, qui sont des endroits qui parfois malmènent quand même pas mal la personne. Ouais, et puis de prise en charge de leur propre expérience, et non pas de la laisser aux mains d'autres, quoi, aussi. Oui. Et de pouvoir l'exprimer, parce qu'en fait, il y a aussi ce problème de temps. Dans les hôpitaux, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est qu'il y a peu de temps pour parler. Donc là, c'est quand même un endroit de parole et de mise en relation. C'est toujours important de croiser les expériences, justement, pour interroger sa propre expérience, pour apprendre un peu de distance, être en lien avec d'autres, quoi. Il y a aussi cette idée que c'est un partage en groupe, et que ça, c'est hyper important. Pouvoir être en groupe et en soutien, quoi. Oui, puis là, enfin, vraiment, moi, ça m'a... Enfin, de redécouvrir presque, enfin, pour l'avoir un peu... petit peu, pas beaucoup, mais un peu pratiqué par ailleurs, mais la puissance des groupes de parole, quoi. De se dire, mais quel outil incroyable et accessible, c'est en soi qui est à disposition de tout le monde. Et parce qu'au tout début, on a rencontré des gens qui étaient hospitalisés, et très vite, on s'est rendu compte que c'était pas du tout cette parole-là qu'il était juste de recueillir, parce que les gens étaient dans des états plutôt... je n'ai pas dit de crise, ou en tout cas, ça ne nous semblait pas juste, alors que dans les groupes de parole, il y a une pratique de la mise en parole, du coup, de prendre de la distance, ça s'adresse à d'autres gens qui savent très bien de quoi il s'agit, puisque les autres participants en groupe de parole vivent des choses comparables. Enfin, du coup, c'était très riche d'être invité à assister à cette pratique-là, parce que j'ai vraiment la sensation d'avoir eu accès à une pratique, quoi. Avec du coup des langages communs, des anecdotes qu'on retrouve d'un groupe à l'autre, et puis une énorme capacité, une générosité dans l'écoute de la part des participants, c'était assez fascinant, quoi. C'est quand même aussi une histoire de rencontre, hein. C'est qu'on a vraiment on a été, ouais, on a rencontré aussi des gens, quoi, et avec qui on a vraiment, comment dire, construit ensemble, travaillé finalement aussi nos propres idées préconçues par rapport à la psychiatrie. Moi, je sais que ça m'a pas mal bougé. Par exemple, en réalité, je suis arrivée en me disant bon bah les voix, voilà, c'est une hallucination, hein, donc ça n'existe pas. Et je me suis rendu compte que petit à petit, en fait, elles étaient là, ces voix, et en fait, j'acceptais qu'elles existent, elles étaient là, et puis c'est tout, quoi. Il n'y avait pas à se poser la question de savoir si elles n'existaient. En fait, des personnes entendent des voix, donc ces voix, elles existent. Enfin, vous voyez le petit déplacement de se dire, en fait, on est quand même très normé, et il s'agit de ne pas entendre de voix dans la vie. Et voilà, ça a remis en question ça. Le bord de la bande a été un peu on va dire la forme qu'on a réalisée pour qui parle de cette rencontre avec le réseau. Et écoutez l'ombre, c'est un peu la suite, on va dire, de la réflexion. On a eu envie de continuer à rencontrer trois personnes du réseau des entendeurs de voix, donc deux de Lyon et une personne de Chambéry. Alors je les cite, hein, c'est le même dropping. Ah, vas-y. Donc Vanessa Aubra, Sophie Clapier et Hugo Dury, qu'on avait rencontré pour la première pièce, mais avec qui on a prolongé les échanges. Et là, l'envie, alors il se trouve qu'elle a cette envie de deuxième partie, on va dire, c'est aussi Sophie, Vanessa et Hugo qui nous ont renvoyé pas mal de choses de la première, du bord de la bande, en fait. Ils nous ont dit que ce qu'ils adoraient dans cette histoire, au-delà de j'aime pas, l'esthétique, tout ça, c'est qu'ils avaient l'impression qu'il y avait quelque chose, qu'on avait un en commun, qui était de pouvoir faire vraiment des trucs bizarres avec du son. Et ça leur plaisait beaucoup d'être avec nous dans cet endroit musical un peu barré et qui n'était pas non plus extrêmement visible. Et voilà, on s'est retrouvés là-dessus, et c'est ce qui nous a donné envie finalement de continuer. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis en relation entre notre pratique et leur entente de voix. Alors bien sûr, c'est à deux endroits très différents, et puis je veux dire, il y a aussi beaucoup de souffrance, hein. Quand on entend des voix, ça peut être extrêmement douloureux, difficile. Enfin, il ne s'agit pas de comparer les deux. Mais c'est juste la rencontre, en fait. C'est que la manière dont ils ont d'écouter nos musiques, voilà, qu'on a leur a fait découvrir des choses qu'on faisait, comme eux, ils nous ont fait découvrir leur réseau et leur manière de faire. Voilà, on a partagé les pratiques, en fait, et ça nous a vraiment donné envie d'en faire quelque chose. Le bord de la bande, c'est donc une performance qui est un dispositif sonore un peu particulier. Il y a une quarantaine de petits postes radio qui sont diffusés, des choses qui sont réalisées en live, hein, qui sont réalisées sur place. Donc par Anne-Laure à la voix et moi à l'électroacoustique, au traitement et au son. Et en fait, la radio est un instrument qui nous intéresse aussi dans ce cadre-là, parce que c'est d'abord, ça peut être un déclencheur de voix. Plusieurs fois, on nous a dit que la radio, derrière la radio, il y avait des voix qui se mettaient à exister. Et aussi parce que la radio, en soi, c'est c'est une voix sans corps, c'est aussi une voix qui existe sans qu'elle soit portée par un corps. Et aussi, parfois, la radio, on a aussi eu des témoignages de gens qui disaient qu'au contraire, ça les aidait à dormir. Parce que il y avait une présence qui faisait que ça éloignait les voix. Donc, en tout cas, la radio a souvent été citée en lien avec l'entente de voix. Et du coup, cette interrogation dans la performance est autour de la question de l'écoute et comment on écoute les choses, on écoute avec ce qu'on est, avec une disposition, avec l'écoute est quand même quelque chose de très subjectif, de culturel, c'est une pratique en fait, à part entière. Et on a voulu aussi interroger des gens qui font de la musique électroacoustique, donc qui travaillent beaucoup la musique, le support, hein, l'enregistrement, et qui travaillent à partir de sons enregistrés et de l'écoute. Et on les a interrogés sur leur attachement à leur monde sonore, aux sonorités, aux enregistrements. Et on leur a posé des questions par rapport à ça, plus que sur leur pratique de créateur, mais plus sur leur pratique d'écoutant. Et on a mis en lien, on a mis en résonance les paroles d'écoutant, j'allais dire, des paroles de compositeur et des paroles d'entendeurs de voix qui finalement sont assez proches, enfin ont vraiment des choses communes. Voilà, c'était pour trouver cet en commun entre les écoutants. Ouais, le troisième point de contact, c'est les auditeurs et les auditrices qui assistent à la performance et qui eux-mêmes font un parcours d'écoute, un parcours dans leur propre écoute, parce que il y a des moments où il se passe quasiment rien, et du coup, ça te renvoie à, tiens, quand il se passe rien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'écoute? Comment j'écoute? Ouais, jusqu'où je vais chercher pour peut-être attraper du son, ou je me mets à écouter mon propre organisme. Enfin, et puis, d'autres moments où les gens sont plus baignés dans un son très dense et qui vient de plein de sources, avec plein de couches, plein de plans. Du coup, là aussi, pris dans une densité sonore, tu vois, de qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je suis à l'intérieur du son rempli, quel petit son je suis, ou comment je me laisse envahir. Enfin, notre envie, c'était aussi que que les auditeurs ils fassent eux-mêmes une expérience d'écoute pendant la performance, pour sentir que l'écoute, c'est quelque chose d'actif. C'est quelque chose qui te met en jeu, toi, quand tu écoutes, quoi. Comment ça s'était fait pour vous, le fait de pouvoir établir une relation avec ces groupes d'entendeurs, entendeuses de voix et ou des personnes à l'intérieur de ces groupes, et la perspective d'un enregistrement et d'une forme de restitution dans un cadre quand même assez différent du groupe de parole, quoi, d'une restitution plutôt publique? Ça, c'est beaucoup grâce à Vanessa Evrard, qui est la facilitatrice du groupe de Lyon. En fait, le groupe de Lyon, quand on l'a rencontré, ils étaient structurés en deux groupes. Il y avait le groupe des alliés, qui était réservé aux gens qui ne sont pas concernés dans leur corps par le phénomène, mais qui sont proches de gens qui vivent ça. Et puis, il y a le groupe, on va dire, non mixte, où il n'y a que des gens qui entendent des voix. Et ils faisaient aussi des permanences déjà à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Donc, il y a une première rencontre à l'hôpital du Vinatier, il me semble, où Anne-Julie a pris des contacts gens qui étaient d'accord pour faire des entretiens individuels. Donc, on a à la fois été dans le groupe des alliés et puis on a fait des entretiens individuels avec des gens. Et comme on est revenu plusieurs fois, au bout d'un moment, ils nous ont dit « mais si vous voulez, vous pouvez venir dans le groupe ». Dans le groupe non mixte, vous pouvez venir enregistrer. ça s'est fait assez, assez simplement. Enfin, Vanessa a d'abord demandé si tout le monde était d'accord dans le groupe et tout le monde était d'accord. Donc, on est revenu tous les mois pour enregistrer. Nous, on ne parlait pas, on écoutait. Et vraiment, Vanessa a été très, très accueillante et très reliante avec les gens qui étaient là. Et à chaque fois qu'on arrivait, on redemandait si on pouvait être là et si on pouvait enregistrer. Il y a une fois, il y a un Lionel, un monsieur, qui nous a dit qu'on pouvait venir, mais que du coup, lui, il ne parlerait pas parce que la fois précédente, il avait eu des... Enfin, il avait mal vécu l'enregistrement, il avait eu des remontrances des voix du fait d'avoir été enregistré. Donc là, on a décidé de ne pas enregistrer la séance. Le truc, c'est que quand il nous a dit qu'il avait eu des remontrances, Anne-Laure, elle a demandé à. Elle lui a dit. Et c'est là où je me suis dit, là, on a vraiment changé de. On a changé d'univers. Elle lui a dit, bah, écoute, donne-lui notre numéro de téléphone. Donne aux voix notre numéro de téléphone. Et dis-leur de nous appeler s'il y a un souci. Parce que c'est avec nous qu'il faut qu'elle gère ça. Mais ça peut paraître là comme ça quand on le dit. Ça peut paraître. Mais sur le moment, c'était hyper simple. Et pas du tout. J'ai pas réfléchi. Toi, t'as pas réfléchi. En tout cas, c'était l'occasion qui nous. De parler encore à un autre endroit de ça, de notre présence, mais je pense qu'on était à ce moment-là dans un endroit de co-réalité où je pouvais dire ça. J'ai pas réfléchi à ce que j'ai dit, en fait. Je me suis entendue dire. Ça m'a étonnée de moi-même et en même temps, c'était pas du tout étonnant pour personne que je dise ça. Et ça a généré une super discussion, d'ailleurs. Ouais. Du coup, il nous a remercié d'être attentif, quoi. De se sentir soutenu dans cet endroit. Enfin, je sais pas, c'était comme si d'un coup on prenait part à quelque chose sans se sentir intrus. Enfin, on n'a pas du tout eu l'impression que c'était une intrusion, cette remarque, quoi, cette proposition. Bah, il venait, les groupes de parole, c'est super pour ça. Il est venu avec le truc qu'il a partagé. Nous, on était quand même. On était impliqués, mais sans culpabilité. En fait, ça joue beaucoup là-dessus. Il y a une manière, vraiment un rapport de non-jugement, en tout cas là, qui tenait très bien. Hein. Ça ne doit pas être toujours simple. C'est-à-dire, on vient avec vraiment, on apporte nos trucs quoi, dans le groupe et c'est ça qui est pris en compte, sans jugement. Donc, la manière dont il nous l'a dit, il l'a dit aussi comme ça. Il ne nous a pas culpabilisés parce que il a juste dit, bon, bah, moi, là, j'ai galéré dans un voyage. Il nous a dit, là, vraiment, elles m'ont vraiment harcelé parce que vous m'avez enregistré. Mais le cadre, en fait, le cadre du groupe fait qu'il n'est pas question de nous culpabiliser ou de. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, c'était bon, bah, maintenant, c'est pour ça que je pense que tu as répondu, bah, écoute, il faudrait qu'elle nous appelle. Enfin. Cette prise en charge du groupe, elle est vraiment très aussi opérante. Nous appelle. Enfin, on lui a aussi donné notre numéro pour que lui puisse nous appeler quand ça lui arrive. Quoi. Enfin, du coup, après, on était beaucoup plus attentive à toujours à régulièrement redemander si ça allait, si on continuait, si on arrêtait, si tout était OK et si on pouvait continuer. Je pense que ça a provoqué ça, un truc de. Parce qu'on a ce à quoi on a invité Vanessa Hugo et Sophie, c'était des entre autres, mais de pratiquer des jeux d'écoute que nous on fait et de leur proposer de les faire. Et du coup, à des moments aussi inverser les rôles, quand il y en a un qui guide et l'autre, bah, de dire si en fait la situation ne te convient plus, on peut changer les rôles. Mais c'était plutôt le fait de renoncer régulièrement à ce que tout va bien, quoi. Est-ce qu'on continue? Ouais. Et après, quand on leur a fait écouter les projets, enfin les montages, une fois qu'ils étaient finis, aussi le. Oh c'est ça, ça nous a mis le trac, quoi. Et puis, c'était important que les personnes se reconnaissent dans ce qui était dit et qu'elles disent OK, c'est bon, quoi. Thank you. Après, par moments, je me suis quand même, moi, là, c'est plus d'un point de vue de individuel. Je me disais que, enfin, c'est pas toujours. Là, on a l'impression que tout a été super facile et tout. c'était pas toujours facile de. Enfin, ça, c'est plus de manière générale l'objet artistique, faire un objet artistique à partir de situations où il y a beaucoup de souffrance. Moi, ça nous a posé pas mal de questions. Et c'est pour ça que ce qui était très important pour nous, c'est la rencontre et la validation aussi de ce qu'on faisait avec les personnes avec qui on a enregistré. Et vraiment de pouvoir essayer au plus possible de partager, quoi. C'est toujours compliqué de prendre comme ça des choses, en plus qui sont liées à l'intime. D'en faire une forme qui ensuite est complètement déconnectée de l'endroit où ça a été. Voilà, on a essayé en tout cas, par exemple, on a diffusé dans un. On a fait plus, le plus possible dans les hôpitaux, essayé de faire des rencontres. Enfin, tout ça pour dire que c'est un objet qui n'est pas hors sol, quoi, qu'on aime bien relier à. Comme on a fait un peu à longueur d'onde, c'est-à-dire que. Rencontrer le réseau, essayer de le solliciter ou solliciter des gens qui travaillent sur cette question-là, être avec des publics qui ne sont pas forcément des publics de musique expérimentale ou contemporaine. Enfin, c'est une attention. Je disais ça juste parce qu'on a cette attention, ça nous paraît important, que parfois, peut-être, on peut rater aussi un peu. Hein, mais... Enfin, ça nous a créé des bons des bons nœuds. Mais ça, je dirais que c'est un petit peu la question des formes, des objets artistiques. Mais là, comme ça touche l'humain et la psychiatrie, c'est un petit peu sensible. Ouais, mais peut-être que les gens, ils sont plus heurtés par notre musique. Ouais. Qui est de bruit. C'est rassurant. Que par les propos des gens. Parce que, enfin bon, pour faire, tu vois, la musique qu'on fait, très heurtée. Enfin, moi, avec la voix, où je suis tout le temps en train de faire des bruits bizarres avec mon corps. Ça vient tout le temps, on se heurte tout le temps à cette question-là avec la musique qu'on fait, de suivant avec quoi on arrive, on y met du sens des fois que nous on met pas dans les sonorités. Et c'est presque des fois, je trouve que c'est ça qui était des fois pas évident avec le bord de la bande, où des gens nous ont demandé si on avait essayé de mettre en son, de représenter, d'illustrer ce que les entendeurs de voix pouvaient entendre. On disait non, mais. Avant de connaître les entendeurs de voix, on faisait déjà ce genre de musique, quoi. C'est plus à l'endroit de la musique, je trouve, que la question, elle s'est posée de « Ah, vous mettez des sons angoissants ?» Mais non, c'est un son de train qui arrive en gare. Enfin, si, à une certaine époque, ça a été angoissant, mais là, aujourd'hui, ça va. Du coup, c'est plus l'écho entre le récit qui évoque des choses qui peuvent générer de l'angoisse, et le son, et du coup, ça donne du sens au son. J'ai l'impression que c'est plus à ça qu'on a été confrontés dans les retours des gens. Ouais, parce qu'on a essayé, en tout cas, de pas être... pas exhiber quoi que ce soit de l'intimité. Ça, vraiment, on a été super attentifs. Ouais. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est aussi un pont, quoi. Ça fait un pont parce que il y a plusieurs manières de se relier à ce qu'on fabrique pour le public. Tu vois, il y a des gens qui entendent plus, qui font un parcours plus autour de la question de la parole, d'autres qui sont plus sensibles à le parcours du son, d'autres à l'installation, à la manière dont ils sont eux installés, ils ont un autre parcours. Enfin, moi j'aime bien cette idée que les gens ils entendent Enfin, ils peuvent, eux, avoir une écoute, ce que tu disais d'ailleurs, une écoute active, et que c'est un petit peu à eux de faire le chemin. Nous, on propose des choses qui nous tiennent à cœur. Voilà, c'est à nos désirs à nous, mais qu'on met en partage avec plusieurs entrées possibles, quoi. Et ça, c'est toujours hyper intéressant de ne pas avoir un truc trop un objet trop rigide, fermé, qui appartient à une un niche. Moi, je crois que, enfin, tout ça, on le doit beaucoup au rêve, à l'entité rêve, si je puis dire. Enfin, parce que tout à l'heure, tu demandais comment, en fait, on avait fait pour entrer en contact, mais on a démarré ça par, on s'est inscrite avec Anne-Julie aux rencontres nationales qui avaient lieu à Digne. Et notre entrée en relation, ça a été ça, en fait. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être invitée dans un endroit où les gens avaient été forts. Enfin, comment dire? Oui, ils racontaient des trucs terribles, super durs. Ils racontaient des parcours de vie vraiment... c'était que des galères, quoi. C'était dur. Mais en même temps, je voyais aussi qu'ils réussissaient à fabriquer un truc où, ensemble... Ils se donnaient de la force, quoi, tu vois, et ça démarrait les groupes de parole, parce qu'il y avait plein de petits ateliers, on fait un tour de table, et puis les gens, ils disaient, ben, bonjour, je m'appelle machin, je suis entendeur de voix, bonjour, je m'appelle truc, je suis parano. Et en fait, quand t'as jamais, quand t'es normal, quoi, comme je veux dire, je me suis retrouvée dans des situations où je correspond à la norme, c'était hyper intéressant d'être déplacée, de voir que là se créer d'autres référentiels. Et qu'en même temps, j'étais pas, comment dire, on acceptait de me faire une place là-dedans, quoi. Je pouvais dire, je m'appelle Anne-Laure, je suis curieuse de rencontrer ça, quoi. Tu vois, c'était, du coup, je pense aussi que ça nous a autorisé de sentir qu'il y avait un mouvement soutenant pour les gens qui entendent des voix ou enfin qui vivent des phénomènes. Et du coup, il y avait un endroit de relation qui était possible. On n'a pas rencontré des individus isolés dans une détresse. Et je pense que c'est aussi ça qu'on avait envie de raconter. C'était comment, là, il y a des gens qui prennent part aux difficultés qu'ils subissent, quoi. Comment ils essaient de retrouver une place active à l'intérieur de ça. Ce que moi, j'ai compris de ce que défend le rêve, c'est de, par la parole, de reprendre place dans la relation avec les voix et d'arrêter de les subir parce que, peut-être qu'elles viennent d'un... Enfin, il y a plein de témoignages de gens qui racontent que ces voix sont reliées aussi à des situations de harcèlement qui ont été vécues à un moment donné. Et c'est comme si il y a un tiers qui est attribué à ces entités pour pouvoir reparcourir une relation qui a été destructrice, mais de réinterroger comment je me mets en relation, quoi, avec d'autres et comment je viens retravailler ça. Et il y a aussi des gens qui entendent des voix et qui ne souffrent pas de ça. Qu'ils existent, ouais, ces personnes-là, et que c'est possible d'entendre des voix et de pas en souffrir. Des fois, de pas pouvoir trop en parler, quoi. Ils sont stigmatisés, en revanche, mais c'est vrai que, enfin, moi, je me souviens que ça nous a pas mal renvoyé à notre normopathie, comme dirait Ouri. Et voilà, ça, c'est pas mal de se déplacer un peu de cette manière-là. T'entendre écouter le long de la peur entendre je me dis. C'est quand même complètement car il a associé seulement le désir de simple peur convoqué. Et puis j'ai l'impression que enfin, un des trucs qui moi me parle pas mal dans les expériences des rêves, c'est aussi cette question d'humaniser la souffrance qui peut être vécue, en tout cas de reconnaître son existence, mais sans dire qu'il faut enfermer les gens ou les mettre à l'écart ou être dans des situations d'apitoiement, quoi, mais que là plutôt il y a un truc de... que c'est possible, et enfin, ce que vous nommiez tout à l'heure, quoi, dans la relation et les groupes et les expériences partagées et communes, de retisser des formes de... pour tendre vers une vie qui serait plus désirable pour les gens, quoi. Et... Oui, chose que ne fait plus ou pas l'institution. Y a quand même aussi, je pense, d'un point de vue plus général, une voie... parce que l'institution est violente à cet endroit-là. Voilà, c'est pas un endroit très productif, la psychiatrie. On a un peu abandonné ces endroits, en tout cas d'un point de vue humain, pour, enfin, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue thérapeutique au sens de la relation. Parfois, il y a un petit peu un lien avec la psychothérapie institutionnelle. C'est un peu se réapproprier de manière collective une forme thérapeutique, finalement. Mais ça demande du temps, ça demande de l'accompagnement, ça demande... Là, ce qui était beaucoup renvoyé, c'est qu'il y avait, plus de... En fait, il y a beaucoup de gens en psychiatrie qui sont... Enfin, qui essayent vraiment de faire comme ils peuvent pour accompagner. Mais il n'y a plus du tout les moyens de le faire, plus du tout le... On parle beaucoup de ça, hein, du temps que les psychiatres ont plus. Moi, je pense qu'il y a plein de gens super hein, dans les hôpitaux, mais par contre, c'est vraiment la manière dont ça s'organise, où ça se structure. Je crois que c'est vraiment une histoire d'accompagnement, de prise en charge globale, quoi. J'ai vraiment cette sensation que... Mais de toute façon, c'est des telles, moi, j'ai l'impression que c'est des telles énigmes ce que les gens vivent que faut aborder par plein de biais, quoi. Un moment de n'avoir plus qu'une seule forme de réponse, c'est ça ne peut pas marcher. Il en faut plusieurs, quoi. Parce que chaque personne est tellement singulière. Enfin, je trouve que aussi l'endroit où ça m'a déplacée, c'est dans la déstigmatisation qu'en fait. Il y a pas mal de gens qui disent ça, qui disent « je ne suis pas mon symptôme », enfin j'entends des voix, mais bref, voilà, je reste une personne vaste. Et du coup, je trouve que effectivement, de ne pas être dans un truc de mise à l'écart de ce qu'on peut appeler folie, c'est aussi nous, quand on subit pas ça, enfin moi qui subis pas ça, qui n'ai pas subi ça, de me dire « comment je rentre en relation avec cette personne ?» quoi, et que en fait tout ça c'est à inventer et que des fois de pas se côtoyer ça fait des espèces de cases quoi. Mais c'est vrai que déjà, juste, je me souviens, juste le moment où on s'est dit, tiens, mais c'est une particularité, c'est une spécificité. Et c'est pas un symptôme. Tu sais, il y a eu une petite bascule à ce moment-là pour moi. D'accord, en fait, ils, elles, entendent des voix, mais voilà, c'est leur spécificité. C'était, je pense, au moment des rencontres l'ambiance de ces moments-là, des groupes de parole, ça, à un moment, ce qui est ressorti pour moi, c'est de me dire, tiens, au début, t'es pas hyper à l'aise, hein, faut pas non plus se leurrer, tu te dis, oh là là, quand même, c'est relié, ta schizophrénie dans la tête, tu te dis, ah oui, les gens qui entendent des voix, tu vois, dans la rue, d'ailleurs, je les regarde plus de la même manière maintenant, mais les gens qui parlent tout seuls dans la rue, enfin, tu vois, t'as des images assez négatives quand même de cette situation d'entendre de voix. Et quand tout d'un coup, toute cette ambiance qu'il y a eu là, pour la rencontre nationale où les groupes de parole se forment, où on peut parler d'entendre des voix, où les gens expliquent, parlent même de souffrance et tout. Et tout d'un coup, moi, en tant que personne, je me dis, tiens, si je regardais ça comme une spécificité, comme une sensibilité, quelque chose que certains ont, d'autres n'ont pas, peu importe les raisons au final. Si je regarde ça de cette manière-là, ça change vachement. Ma relation avec l'entendre de voix, ça déplace quoi. C'est le réseau des entendeurs de voix. Pour moi, il a déplacé vraiment mon rapport, ma relation à ce monde-là. Et puis là, il y a une responsabilité aussi de ce qu'on de ce qu'on diffuse et de ce qu'on donne à voir ou à entendre ou à écouter à tout le monde et des images qu'on véhicule. Quand là tu citais, voilà, on pense à la personne qui parle toute seule dans la rue et en fait, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette vision-là, elle nous inquiète ou elle crée en nous une tension ou une peur, c'est aussi de la responsabilité de ce qui est diffusé comme image dans la société en général, en fait. Du coup, peut-être si on veut terminer, je ne sais pas s'il y a toujours des... Si vous poursuivez un travail sur ça ou si du coup, là, ce travail-là, il a pris fin ou s'il y a des perspectives de le poursuivre d'une autre manière. Eh bien là, on aimerait faire une pièce radio qui relie Bord de la Bande et Écoutez l'Ombre. On sent que, en fait, le Bord de la Bande, il a été fait en 2018 et Écoutez l'Ombre, là, on vient de le faire en 2022, fin 2022. Et c'est vraiment l'occasion de longueur d'onde, le fait de discuter avec Anne-Claire Lenné, là, qui programme à longueur d'onde. C'est elle qui, en discutant avec elle, on s'est dit, ah, mais on pourrait proposer les deux formes dans le même moment, quoi. Ça avait beaucoup de sens de relier les deux. Et puis aussi notre collaboration avec Radio Grenouille autour de tout ce projet-là qui depuis longtemps nous dit mais ce serait super de faire une forme radiophonique de tout ça. Et l'occasion de la diffusion, ce sera début mai. On joue Écoutez l'Ombre au 3 Bicef à Aix-en-Provence. C'est un centre d'art qui est situé dans l'hôpital, je dis pas de bêtises, Montperrin, je crois que c'est pas de Aix-en-Provence. Et on est en lien avec Radiola, qui est l'atelier. Radiola fait partie de Radio Grenouille, et c'est un atelier radio qui existe depuis super longtemps. Et les gens qui viennent à cet atelier sont des gens qui ont un lien avec la psychiatrie. Et il se trouve comme on a été régulièrement bossé à Marseille en lien avec Radio Grenouille, on les a rencontrés déjà plusieurs fois. Et là, donc pour cette occasion, c'est devenu au 3 Bicef. On va faire un plateau radio. Donc Radiola va faire son émission en public au 3 Bicef. Et on va co-construire cette émission, même si on a envie de s'inscrire plutôt dans leur conducteur, quoi, d'émission. Et on diffusera cette pièce. Et après, elle existera. On espère qu'elle va. On la proposera dans des endroits d'écoute, quoi. Merci à Anne-Laure et Anne-Julie pour cet entretien. Vous pouvez retrouver des archives et des travaux en cours sur le site de la compagnie lesharmoniquesduneon.com. Thank you.